L'assemblée l'a décidé. Le loup demanda au lion de le nommer maire chez les moutons. Il se rendit en personne auprès du lion pour l'en prier, et envoya en même temps son compère, le renard, chez la lionne pour soutenir sa cause. Mais le lion dit: Le loup a mauvaise renommée. Je ne veux pas prendre sur moi une telle responsabilité. Je vais assembler les fauves et ils diront ce qu'ils pensent du loup. Alors, on réunit le peuple fauve. À l'assemblée, personne ne parla mal du loup et tous consentirent à cette nomination. Les moutons seuls ne furent pas consultés. On avait oublié de les convoquer à l'assemblée.